Chapitre 23. Comment Kriemhild pensa à venger ses offenses. Ils vécurent ensemble avec grand honneur jusqu'à la 7e année. Pendant ce temps, la reine enfanta un fils. Jamais le roi Etzel n'eut plus grande joie. Elle ne cessa de renouveler ses instances jusqu'à ce que l'enfant d'Etzel fût baptisé suivant la coutume chrétienne. Il fut nommé Ortlieb. Il y eut grande réjouissance dans le pays d'Etzel. Toutes les bonnes vertus pratiquées par Dame Helch, Dame Kriemhild s'efforçait maintenant de les imiter chaque jour de plus en plus. Herat, la femme illustre, l'initiait aux usages, mais secrètement, elle regrettait beaucoup Helch. La reine était bien connue des étrangers et des gens du pays, qui disaient que jamais femme meilleure et plus douce ne posséda pays de roi. Ils tenaient cela pour certain. Elle mérita ainsi, pendant 13 ans, les louanges des Yunnan. Elle s'était bien aperçue que nul ne s'opposait plus à ses volontés, comme le font parfois les guerriers du roi à la femme de leur souverain. Elle voyait sans cesse devant elle 12 rois, et elle se prit à penser aux nombreuses offenses qu'elle avait reçues jadis dans sa patrie. Elle songea aussi aux grands honneurs dont elle jouissait dans le Nibelungenland, où elle était si puissante quand la main d'Hagen l'en dépouilla en tuant Siegfried, et elle cherchait les moyens de lui faire porter la peine de son crime. « J'y parviendrai, se disait-elle, si je pouvais seulement l'attirer en ce pays. » Elle rêva que souvent Giselher, son frère, marchait à ses côtés, la tenant par la main. Elle l'embrassait fréquemment dans son doux sommeil, depuis que de soucis elle éprouva. Je pense que ce fut par l'inspiration du mauvais esprit qu'elle se sépara de Gunther si amicalement et qu'elle l'embrassa en quittant le pays des Burgondes. Souvent des larmes brûlantes mouillaient ses vêtements. Soir et matin, cette idée occupait son âme. Comment on avait pu l'amener, elle, innocente, à épouser un homme païen? C'était Hagen et Gunther qui l'avaient réduite à cette extrémité. Certains désirs ne quittaient point son cœur. Elle pensait « Je suis si puissante et je possède tant de richesses que je pourrais bien faire pâtir mes ennemis. Que volontiers je me vengerais de Hagen et de Trondheim. Souvent mon cœur gémit au souvenir de mon bien-aimé. Ah, si j'étais près de ceux qui m'ont causé tant de maux que je leur ferais payer cher la mort de mon ami. C'est avec peine que j'attends encore. » Ainsi parlait la femme d'Etzel. Kriemhild était aimée par tous les hommes du roi, et certes, elle le méritait. Ekewart veillait au trésor, ce qui lui faisait beaucoup d'amis. Nul ne pouvait résister à la volonté de Kriemhild. Elle pensait sans cesse. « Je prierai le roi qu'il m'accorde avec courtoisie d'inviter mes amis à venir dans le Jonenland. » Personne ne soupçonnait une résolution hostile chez la reine. Une nuit, elle reposait à côté du roi. Il la tenait dans ses bras, suivant sa coutume, car il aimait tendrement la noble femme, et elle lui était comme sa propre chair. L'illustre reine se prit à penser à ses ennemis. Et elle dit au roi, « Mon cher seigneur, je voudrais vous prier, si je puis le faire avec soumission, et si j'ai mérité cette faveur, que vous me fassiez voir que vous avez réellement de l'attachement pour mes amis. » Le puissant roi parla, son âme était loyale. « J'accède à votre demande, je me réjouis de tout ce qui arrive d'heureux à ces guerriers, car jamais par l'affection d'une femme, je n'ai acquis d'aussi excellents amis. » La reine répondit, « Oui, vous l'avez très bien dit, j'ai beaucoup d'illustres parents. C'est pourquoi je m'afflige de ce qu'ils consentent si rarement à me visiter en ce pays. J'entends les gens m'appeler exilé. » Le roi Etzel répondit, « Ô ma femme très chérie, si cela ne leur paraissait pas trop loin, j'inviterais volontiers de par-delà le Rhin vers ce pays ceux que vous voudriez voir. » La dame se réjouit de ce que sa volonté allait s'accomplir. Elle dit, « Si vous voulez me montrer de la confiance, mon cher seigneur, vous enverrez des messagers à Worms au-delà du Rhin, et je ferai savoir à mes amis le désir qui me tient au cœur. Ainsi, maints bons et nobles chevaliers se rendront en ce pays. » Il reprit, « Tout ce que vous commanderez se fera. Vous ne pouvez désirer voir vos amis, les enfants de la noble Watt, plus vivement que moi-même. Il me peine fortement qu'il nous soit si longtemps demeurés étrangers. Si cela vous plaît, ma femme bien-aimée, j'enverrai avec plaisir vers vos amis au pays des Burgondes mes deux joueurs de viol. » Et aussitôt il fit paraître devant lui ses deux bons joueurs. Ils accoururent en hâte vers le lieu où le roi siégeait à côté de la reine. Hetzel leur dit qu'ils seraient ses messagers vers le pays des Burgondes, et il leur fit préparer force beaux vêtements. On prépara des habillements pour 24 cavaliers. Le roi leur expliqua ensuite la mission dont il les chargeait pour Gunther et ses hommes. Dame Kriemhild leur parla aussi en secret. Le puissant roi prit la parole. « Je vous dirai comment vous devez agir. Je présente à mes amis des sentiments d'affection et de bienveillance, et je les prie de vouloir se rendre en mon pays. Certes, je n'ai guère connu d'hôtes qui me fussent aussi chers. Et si les parents de Siegfried veulent consentir à écouter mes vœux, qu'ils viennent sans plus tarder cet été à ma fête, car une partie de ma félicité dépend de la présence des parents de ma femme. » Le joueur de viol, le hardi Svemel, parla. « Quand cette fête aura-t-elle lieu dans vos états? Il faut que nous puissions l'annoncer là-bas à vos amis. » Le roi Hetzel répondit, « Au jour du prochain solstice d'été. » « Nous ferons ce que vous ordonnez, » dit Verbal. La reine fit amener secrètement les messagers dans sa chambre et leur parla. Depuis lors, maints guerriers en pâtirent. Elle dit aux deux envoyés, « Vous pouvez gagner une bonne récompense en exécutant mes instructions avec dévouement et en disant dans ma patrie ce dont je vais vous charger. Je vous comblerai de biens et je vous donnerai de magnifiques vêtements. À aucun de mes amis que vous pourrez voir à Worms près du Rhin, vous ne direz que jamais vous ayez vu mon humeur assombrie. Vous offrirez mes services à tous ces héros hardis et bons. Priez-les de consentir à ce que le roi leur demande et à me tirer ainsi de ma peine, car les Younen pourraient croire que je suis sans amis. Ah, si j'étais un chevalier, j'irais moi-même vers eux. Dites aussi à Gernot, mon noble frère, que nul ne lui est plus dévoué que moi. Priez-le d'amener en ce pays nos meilleurs amis, afin qu'ils m'en reviennent de l'honneur. Dites bien à Giselher qu'il songe à cela, que jamais je n'ai éprouvé nulle peine de son fait. Mes yeux le verront avec bonheur, car je l'aime tendrement pour la grande fidélité qu'il m'a montrée. Expliquez à ma mère les honneurs dont je jouis ici. Et si Hagen de Trondheim refusait de les accompagner, qui donc leur montrerait le chemin à travers le pays? Car depuis son enfance, la route qui mène chez les Younen lui est bien connue. Les envoyés ignoraient le motif pour lequel ils ne pouvaient laisser Hagen de Trondheim au bord du Rhin. Ils s'en repentirent depuis. Avec lui, maints guerriers furent voués à une mort cruelle. On leur donna lettres et messages. Ils emportaient beaucoup de richesses et pouvaient vivre grandement. Hetzel et sa belle femme leur donnèrent congé, et ils partirent revêtus de bons habillements.